mais je comprends. Si un jour encontre la mer, il veut sentir le chien. Un chien regarde bien au mur, ce n'est pas pour tant qu'il veut.